J'ai passé 10 ans de ma vie avec un blast qui me sourit. Et puis des larmes sur mes écrits, entre les pleurs et puis les cris. Ça fait 10 piges que ça se passe, et 10 années de combat. Même si tu ne changes pas, je ne baisserai pas les bras. J'ai passé 10 ans de ma vie à te rendre un peu moins con. Car sur les textes, ta sensation, j'ai grimpé sur tous les monts. Et si l'ascension est brutale, tu n'as pas cherché de l'aide. Quand on préfère voir de l'aval sur les piliers du système. J'ai passé 10 ans de ma vie pour aller voir un peu plus loin. Mais la route est bien trop longue et tu t'es perdu en chemin. C'est plus facile de prendre une pause et d'attendre qu'on te propose. Entre le cœur et puis les causes, tu as pris la vie en rose. J'ai passé 10 ans de ma vie pour ne pas rester un lâche. Comme si le monde allait bien alors qu'on ne voit plus la hache. Et j'ai la rage comme de la haine que j'écoutais dans les couplets. Car le fil de l'amour inconsciemment vient de couper. J'ai passé 10 ans de ma vie à écrire, à composer, à comparer, à complexer, à compléter. C'est compliqué à comploter, à comporter, le concéder, se concentrer. Pour que mes sons aient de l'appui et que tu te sentes concerné. J'ai passé 10 ans de ma vie à écrire des nuits entières. Moi qui n'aimais pas le français, tout compliqué, tous ces Voltaire. Mais maintenant j'avoue je l'aime, cette langue de Molière. T'as dû le voir dans mes écrits, je tiens ça de mon père. J'ai passé 10 ans de ma vie à réfléchir et à penser. Un condensé de mon passé qui n'a cessé de me stresser. Entre l'amour et quelques joies, il n'y a pas eu que des bas. Et je me dis quelquefois que c'est la faute de son départ. J'ai passé 10 ans de ma vie à stonner devant mes sons. Par manque d'inspiration et parfois de compassion. Entre la parole et l'action, beaucoup se trompent dans l'émission. Au lieu de parler sur ma gueule, vaut mieux te remettre en question. J'ai passé 10 ans de ma vie à continuer le combat. Entre les hauts et puis les bas, je ne baisse pas les bras. J'ai passé 10 ans de ma vie à dire les vérités. Une triste société qui empêche la fraternité. J'ai passé 10 ans de ma vie à combattre les injustices. Entre les gueules et la police, l'état et puis le vice. C'est 10 ans de ma vie de pleurs et puis de cris, de vent et puis de bruit, le tout dans mes écrits. J'ai passé 10 ans de ma vie à continuer le combat. Entre les hauts et puis les bas, je ne baisse pas les bras. J'ai passé 10 ans de ma vie à dire les vérités. Une triste société qui empêche la fraternité. J'ai passé 10 ans de ma vie à combattre les injustices. Entre les gueules et la police, l'état et puis le vice. C'est 10 ans de ma vie de pleurs et puis de cris, de vent et puis de bruit, le tout dans mes écrits. J'ai passé 10 ans de ma vie, quand je le dis, je le répète. J'ai passé 10 ans de ma vie entre l'utile et la compète. J'ai passé 10 ans de ma vie à écrire dans le perplexe. Tu peux comparer ça au sexe, car avec elle j'ai pris perpète. J'ai passé 10 ans de ma vie avec des mots que tu ignores. Je suis passé par le reggae, la variété, le hardcore. Tant que les mots viennent de ta tête et se fondent dans le décor. Tu ne penses plus à l'amour et tu ne penses plus à la mort. J'ai passé 10 ans de ma vie à gratter, mais tu t'en fous. Car au final t'écoutes le son, mais le texte te rend sous. Entre les fous et ceux qui fuient, tu as bien choisi ton camp, car au final tu ne fais rien et mes paroles sont du vent. J'ai passé 10 ans de ma vie à jongler entre les flots. Cette fois je crois que c'est le bon, tu dois le sentir dans le son. J'y ai passé tellement de temps que je trouve cela normal. Et s'il glorifie le sang, mon drapeau restera pâle, t'aura pâle, t'aura pâle. J'ai passé 10 ans de ma vie à continuer le combat. Entre les hauts et puis les bas, je ne baisse pas les bras. J'ai passé 10 ans de ma vie à dire les vérités. Une triste société qui empêche la fraternité. J'ai passé 10 ans de ma vie à combattre les injustices. Entre les gueules et la police, l'état et puis le vice. C'est 10 ans de ma vie de pleurs et puis de cris, de vent et puis de bruit, le tout dans mes écrits. J'ai passé 10 ans de ma vie à continuer le combat. Entre les hauts et puis les bas, je ne baisse pas les bras. J'ai passé 10 ans de ma vie à dire les vérités. Une triste société qui empêche la fraternité. J'ai passé 10 ans de ma vie à combattre les injustices. Entre les gueules et la police, l'état et puis le vice. C'est 10 ans de ma vie de pleurs et puis de cris, de vent et puis de bruit, le tout dans mes écrits.